الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 57 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid, avec le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est en train d'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen et il lui a donné une ligne à suivre dans la méthodologie de la da'wah. Et il a commencé par le fait de lui faire part du fait que il se dirigeait ou il allait vers des gens du livre. Des gens du livre, c'est-à-dire des juifs ou des chrétiens. Et par conséquent, ce sont des gens qui, ils disent déjà la ilaha illallah. Donc il dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Donc, dans une narration, donc il dit, Yanni, je t'envoie vers des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit, Yanni, de témoigner que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et dans une autre narration, Yanni, qu'il unifie Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils appliquent et qu'ils établissent le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans leur croyance et dans leurs adorations. Et on a expliqué déjà par rapport à ce verset, par rapport à cette partie du hadith, plusieurs points. Et parmi ces points, les deux points que le cheikh a mentionnés, le premier point, je pense que ça vaut la peine qu'on le remensionne encore une fois, puisque c'est tellement important. Il dit, Al-mas'alatu l'oula, annahu yabda'u bid-da'wati bid-tawhidi qabla kulli shay'. Li'anna at-tawhida huwa asasu l'aqida. فإذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الأعمال وإذا لم تصلح العقيدة فلا فائدة من الأعمال. Donc le cheikh il explique que on doit commencer dans la da'wa à appeler au tawhid avant toute chose, parce que la base de l'aqida c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Et donc si l'aqida, hein, le tawhid, il est correct, il est bien compris, il est bien appliqué, on peut bâtir dessus les autres actions qu'on fait dans la religion. Tandis que si la aqida, elle n'est pas correcte et qu'elle n'est pas authentique et qu'elle n'est pas le tawhid, il n'est pas bien compris, eh bien, le reste des œuvres sera inutile, n'aura aucune valeur, aucune importance, aucun poids dans la balance et ne sera même pas calculé ni accepté de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si la personne avait fait des actions qui équivalent à la quantité des montagnes, hein? Même si la personne avait des montagnes de bonnes œuvres, des montagnes de sadaqa, des montagnes de prières, des montagnes de jeûne, des montagnes de hajj, des montagnes de umrah, des montagnes de récitation du Coran, des montagnes de tous les biens que quelqu'un peut faire dans sa vie, il arrivera au jugement dernier et tout ça sera comme de la poussière éparpillée par le vent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va voir les œuvres qu'ils ont faites et on va les rendre comme de la poussière éparpillée par le vent ou frappée par le vent. Et ça c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans certains versets, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. Il y a l'exemple de ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme de la cendre, hein, soufflée et frappée par le vent dans un jour de tempête. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. L'exemple des kuffars, de ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont comme un mirage. Hein. Ils voient au loin comme si c'est quelque chose, et quand ils arrivent, ils voient que c'est rien. Hein. Et beaucoup d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils auraient fait le shirk, tout ce qu'ils auraient fait comme œuvre aurait été vain. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc, il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu fais le shirk avec Allah, toutes tes œuvres seront rendues vaines et tu seras du nombre des perdants. Donc, ce qui établit que yani, la base de toute chose dans la croyance, dans la religion, c'est le tawhid. Et que si quelqu'un son tawhid, il n'est pas bon, le reste de tout ce qu'il a fait comme bonne action, c'est nul. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas justement accepté comme il faut la aqida de l'islam et la aqida du tawhid, ainsi que hein, l'importance de la sunna et de s'accrocher à la sunna et de s'écarter des innovations et des bid'ah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que les gens ont tendance à voir les choses de façon superficielle et extérieure. Donc, ils regardent par exemple l'apparence et comment les gens ont l'air pieux hein, dans les façons qu'ils agissent et dans la façon de s'habiller et dans la façon de se comporter. Et ils pensent que tout est basé sur le comportement. Hein. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de groupes islamistes qui se concentrent sur le comportement et qui insistent sur le comportement comme si c'était ça la base de l'islam. Et même si quelqu'un fait du shirk, et même si quelqu'un a des bid'ahs, c'est pas grave, il a un bon comportement. Quoi, au jour de la résurrection, c'est le bon comportement qui va te sauver? Et à quoi va te servir le bon comportement si tu n'as pas compris le tawhid et si tu as fait le shirk avec Allah? Ton bon comportement sera rejeté, sera vain. Hein? La même chose pour ceux qui se basent sur toutes sortes d'autres choses et qui se concentrent sur toutes sortes d'autres choses dans leur da'wah. Et qui laisse de côté hein, le tawhid. C'est comme ceux, par exemple, qui se concentrent sur le djihad. Et ils disent non, la priorité dans l'islam, c'est qu'il faut établir le djihad. Hein? Il faut établir un État islamique. C'est ça la priorité. Il faut concentrer sur la politique. Hein? Il faut se concentrer sur le khuluq. Il faut se concentrer sur établir la salat 5 fois par jour. Hein? Les musulmans, ils ne prient pas. Il faut les appeler à la salat. Ok, même si maintenant il va venir faire la salat 5 fois par jour, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il fait la salat mais qu'il continue à faire le shirk? Hein? À quoi ça sert cette salat? À quoi ça sert cet État islamique si les gens sont en train de faire le shirk avec Allah? Hein? Quand il y a quelqu'un qui vole, il coupe la main. Quand quelqu'un fait le zina, il le lapide. Hein? Quand il y a un conflit ou un problème, il juge selon la charia d'Allah. Sauf que dans l'aqida, quand c'est le temps de savoir est-ce qu'on doit adorer Allah seul ou autre, non, ils se tournent vers des tombes. Ils adorent des morts. Et ils font des pèlerinages aux morts et aux tombes. Et ils vénèrent les saints. Et ils disent, hein, on a un État islamique. C'est quelle sorte d'État islamique ça? Hein? Et beaucoup d'autres exemples comme ça. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit des gens comme ça. La priorité, c'est qu'il faut reprendre la Palestine. Il faut reprendre la Palestine des Juifs qui l'ont pris, parce que ça, c'est notre objectif primordial dans la religion, de reprendre la Palestine. Et qu'est-ce qui se passe si on reprend la Palestine, puis qu'après, hein, on continue à faire du shirk et des bid'ahs, hein? Est-ce que c'est ça l'objectif primordial de la religion? Est-ce que le premier objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de reprendre la Mecque ou bien d'établir le tawhid d'Allah hein, et d'appeler au tawhid d'Allah? Il a repris la Mecque, mais ce n'était pas son objectif principal. Il a concentré son travail et son œuvre sur le fait d'établir le tawhid et de faire en sorte que les gens comprennent l'unicité d'Allah et la religion d'Allah. Et par la suite, il a repris la Mecque. Mais ce n'était pas le but. Ce n'était pas un but en soi. Ce n'était pas un objectif ultime. Hein? Et la preuve de ça, c'est que même après l'avoir repris, il n'est même pas resté là-bas. Et il a continué sa da'wah encore. La preuve que hein, ce n'était pas un but en soi, mais un moyen par lequel on peut hein, se rapprocher d'Allah et plaire à Allah. Naam. Naam. Avant toutes les règles avant que toutes les règles de la religion soient révélées. Il est resté à Mecca pendant 13 ans, hein, et aucune, il n'y avait pas encore des obligations religieuses qui étaient révélées. À part la salat qui a été révélée dans la 10e année après la révélation. Donc c'est pour dire que pendant les 13 premières années, la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et sur laquelle il s'est concentré, c'est la ilaha illallah, qui est le premier pilier de l'islam, qui est la base de l'islam, qui est le centre et le cœur de la da'wah de tous les messagers d'Allah et de tous les prophètes. Donc le shaykh, il dit, il est obligatoire, donc فَيَجِبْ عَلَى الدَّاعِيَ أَوَّلَ مَا يَنْظُرْ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَنْظُرْ فِي عَقِيدَتِهِمْ. Donc la personne qui veut faire la da'wah, la première chose qu'elle doit observer, qu'elle doit regarder dans la question des gens et dans leurs problèmes, c'est de se concentrer sur la aqida en premier. Hein? Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, quand ils regardent la société, ils se concentrent sur d'autres choses. Ah, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup de, hein? Il y a beaucoup d'injustices. Puis le tawhid et la aqida, ça vient en dernier pour eux. C'est pas un problème. Et le cheikh, il dit, فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ أَوْ فَسَادٌ فَإِنَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ إِصْلَاحِهِ حَتَّى تَكُونَ الْأَعْمَالُ صَحِيحَةً وَنَافِعَةً عِنْدَ اللَّهِ. Donc il dit, une fois que, s'il regarde la situation des gens et qu'il voit que dans leur aqida, il y a un problème, il y a de la corruption dans leur croyance, alors il les invite en premier à corriger ces erreurs-là dans la aqida. Hein? Donc combien de gens j'ai entendu comme ça qui parle d'un pays musulman, par exemple, en particulier, c'est-à-dire n'importe quel pays musulman, pas besoin de spécifier, mais un pays quelconque. Ils disent, ah, dans ce pays-là, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses. Les gens, ils font des choses haram, ils boivent de l'alcool, ils font le zina, les femmes ne portent pas le hijab, et des choses comme ça. Et en ce qui concerne la aqida, en ce qui concerne le tawhid, en ce qui concerne la sunna, ils ne regardent même pas ça. Ils ne regardent pas ça. Hein? Comme si ça, c'était moins grave, alors que le shirk, c'est le plus grave de tous les péchés. Et le shaykh, il dit, il commence par corriger la aqida des gens, et il dit, une fois qu'il aura fait ça, alors, inshallah, les œuvres qu'ils font vont être valables, et vont être correctes, et vont être bénéfiques pour eux, même si elles sont peu. Hein? Un musulman, par exemple, qui a une bonne aqida, même s'il fait des péchés, au moins, s'il rencontre Allah, il sait qu'il a une chance d'avoir une miséricorde. Mais s'il meurt sur le shirk, il n'a aucune chance d'avoir une miséricorde. Hein? Il dit, « وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعَقِيدَ فَاسِدَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَنْفَعْ وَجُهْدُ الدَّعْيَةِ لَا يُفِيدْ وكانت الرسل أول ما تدعو أقوامها إلى التوحيد يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا وإن كانت هذه محرمات وكبائر ولكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فعلى هذا المنهج أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله أن يسير على منهج الأنبياء. Donc le cheikh, il dit, les messagers, les messagers, lorsqu'ils commençaient leur da'wah, la première chose à laquelle ils invitaient leur peuple, c'était le tawhid d'Allah, le fait d'unifier Allah et de purifier leur adoration pour Allah seul. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne par la bouche des messagers dans Sourate Al-A'raf, le verset 59, il énumère une série de prophètes et de messagers. Et il mentionne un bout de leur histoire les uns après les autres. Et il mentionne à chaque fois au début de leur mission, quand ils parlaient à leur peuple, au tout début et en premier, lorsqu'ils commençaient leur da'wah, ils disaient « Ya qawmi abudullah ». « Ma lakum min ilahin ghayru »« Ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez en dehors de lui aucune autre divinité. Il n'y a rien d'autre que lui qui mérite d'être adoré. » Et donc ça, c'est très important. Et il dit, il ne commençait pas par l'interdiction du zina, l'interdiction du riba, l'interdiction des grands péchés comme ça. Parce que c'est vrai que ce sont des grands péchés, que ce sont des choses graves, n'empêche que il y a quelque chose qui est plus important que ça, au-dessus de ça, c'est l'ordre d'adorer Allah seul et de purifier notre adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah seul et que rien d'autre que lui ne soit adoré. Et c'est sur cette méthodologie et sur cette voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint son compagnon et celui qui l'envoyait comme messager de l'islam aux gens du Yémen, hein, pour les appeler justement, hein, selon la méthodologie des prophètes. Manhajul Anbiya. Et tous ceux qui veulent faire la da'wah et tous ceux qui veulent appeler à l'islam, ils ont le devoir et l'obligation d'emprunter et de suivre la voie des prophètes pour faire l'appel et la prêche à l'islam. Celui qui veut faire une da'wah à autre chose que selon la voie des prophètes, eh bien, il est dans l'égarement. Sa da'wah n'est pas une da'wah qui sera agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il arrive à séduire beaucoup de monde, même s'il arrive à attirer beaucoup de monde, des fois les gens disent « Ah, ce prêcheur-là, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Ce prêcheur-là sur YouTube, là, il y a des milliers de gens qui le suivent. » Dans le sens qu'ils ont cliqué pour s'abonner à sa chaîne ou bien qu'ils le suivent sur sa chaîne. Mais est-ce que c'est ça la signification du suivi dans l'islam? C'est pas ça la signification du suivi. Suivre quelqu'un, ça veut pas seulement dire tu cliques sur un truc là sur l'ordinateur, puis ça veut dire tu l'as suivi. Si beaucoup de gens qui sont peut-être sur son compte là, peut-être parmi eux il y en a qui sont même pas musulmans. Peut-être que parmi eux il y en a qui n'ont fait que cliquer juste par curiosité ou juste pour entendre qu'est-ce qu'il dit, mais qu'ils respectent pas ou ils suivent pas du tout ce qu'il dit, même quand c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Hein? Et en même temps aussi, le fait que la personne ait beaucoup de suiveurs, ça ne veut rien dire non plus. Combien de si tu regardes les koufars, par exemple, certaines vedettes parmi les koufars, ils ont beaucoup plus de suiveurs qu'eux, hein, sur YouTube. Et ils ont beaucoup plus de suiveurs aussi sur Twitter et dans tous les autres réseaux sociaux, hein, sur Telegram ou sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi. Donc, le nombre de personnes qui suivent une personne, là, ça n'indique pas du tout la valeur de ce prêcheur-là ou la réalité de ce prêcheur. Est-ce qu'il est sur la sunna ou non? Est-ce qu'il est sur la vérité ou non? Est-ce que sa da'wah est en accord avec la méthodologie des prophètes ou non? Ça n'a rien à voir avec ça. Souvent, les gens les plus populaires, les plus suivis sont les gens qui sont malheureusement égarés. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, quelqu'un il cherche une question sur la religion, et ça c'est malheureux, mais quand tu vas sur YouTube ou sur Google, tu écris une question sur la religion, les premières suggestions qui apparaissent en premier, là, la plupart des réponses ou des personnes qui apparaissent dans la liste ne sont pas des gens qui sont sur la sunna. Sont pas des gens qui sont sur la sunna, ce sont des innovateurs ou des gens de bid'a ou des hizbiyin. C'est eux qui apparaissent en premier. Donc, méfiez-vous quand vous faites des recherches. Si vous cherchez des trucs sur Internet, vous voyez les premières têtes qui apparaissent là sur YouTube ou ailleurs. En général, hein, les moteurs de recherche, ils vont vous suggérer les choses qui sont les plus recherchées ou les plus regardées. Et ça, ce n'est pas un critère pour déterminer, hein, la validité de qu'est-ce que vous allez trouver, ni pour justifier est-ce que la personne que vous trouvez, est-ce qu'elle est une personne qui est correcte ou non. Tandis que si vous cherchez sur Internet des choses, par exemple, qui ont rapport avec l'islam, essayez d'inclure dans votre recherche le nom d'un savant, hein, qui est connu et reconnu. Comme par exemple un grand alim comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, hein, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan. Donc dans votre recherche, vous écrivez recherche Vous écrivez le sujet, vous écrivez le nom d'un de ces savants. Comme ça, au moins, ils vont vous suggérer des réponses avec ces savants-là dans les choix que vous allez avoir. Parce que si vous laissez la chose ouverte, ils vont vous donner n'importe quoi et n'importe qui. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et le cheikh, il dit, « وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدْعُ إِلَى التَّوْحِيدُ وَلَا يَهْتَمُ بِهِ وَإِنَّمَا يَدْعُ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَسِنَ الْأَعْمَالِ وَيَدْعُ إِلَى الْفَضَائِلِ وَالزُّهْدِ وَيَدْعُ إِلَى أَشْيَاءَ جَانِبِيَّةِ وَلَا يَهْتَمُ بِالتَّوْحِيدِ هَذَا مُخَالِفٌ لِدَعْوَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدَعْوَتُهُ لَا تُثْمِرْ شَيْئًا فَمَنْهَجُ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ الْبَدَاءَةُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ الْأَسَاسُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ يعني قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la personne, quand il invite à l'islam, il ne se concentre que يعني, sur autre chose que le tawhid. Il n'appelle pas au tawhid. Il invite à des choses qui font partie de l'islam, mais qui ne sont pas fondamentales ou qui ne sont pas primordiales par rapport au tawhid. Comme par exemple, la noblesse du comportement. Ça, c'est certain que d'avoir un comportement noble et d'avoir des bonnes manières, hein, ça fait partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a rien qui est plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Et il dit, hein, je ne suis venu que pour compléter le plus noble des comportements. Ma jaitu illa li utammima makarim al-akhlaq. Mais est-ce que quelqu'un qui est sur le shirk, hein, sur la bid'a, l'égarement, et qui a un bon comportement, est-ce que ça va lui servir au jour de la résurrection? Non. Donc, quand on regarde les choses de cette façon, ça nous aide à mettre les choses en perspective et à donner à chaque chose sa place, hein, et son importance. Donc, tu vas donner au tawhid la priorité dans ta da'wa. Et par conséquent, si tu vas parler avec un non-musulman, que ce soit quelqu'un de ta famille ou quelqu'un d'étranger à ta famille, et que tu vois que parmi eux, il y en a qui font des péchés ou qui appellent à des péchés, hein, qui font des choses interdites en islam, par exemple ton père ou ta mère ne sont pas des musulmans, mais par exemple ils écoutent de la musique, ils boivent du vin, ils mangent du porc, hein, puis toi tu te concentres sur ça avec eux, tu dis maman il faut pas boire du vin, c'est haram, il faut pas manger du porc, ça c'est haram, il faut pas écouter de la musique, ça c'est haram, et des choses comme ça. Alors qu'ils sont en train de prier à Jésus, à Marie, ils prient à Krishna, à Vishnu, à Rama, ou bien ils prient à Bouddha ou à d'autres divinités. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a envoyé à leur sujet aucune preuve. Et toi, tu te concentres sur des choses secondaires, dans les choses qui ont rapport avec les choses haram. S'ils deviennent musulmans, qu'ils acceptent le tawhid et qu'ils disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et qu'ils reconnaissent l'interdiction du porc et l'interdiction de l'alcool par la suite, oui, ça c'est correct. Mais s'ils disent, et encore même s'ils disent « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et ils croient en l'islam, mais que par faiblesse de foi, ils peuvent parfois par exemple dire « Ah, moi j'aime beaucoup le porc, malheureusement je suis musulman, mais... j'ai une faiblesse par rapport à ça, je ne peux pas m'arrêter d'en manger. Hein? » Eh bien, c'est sûr que ça fait partie des kabas et c'est un grand péché. Mais qu'est-ce qui est plus grave? Rencontrer Allah avec le shirk ou rencontrer Allah avec le péché de manger du porc? Hein? À la limite, tu l'appelles à dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » pour qu'il sauve son âme de l'enfer éternel. Et s'il tombe dans le péché de manger du porc, de temps en temps, tu demandes à Allah de le pardonner, puis tu lui rappelles, ça c'est haram, il ne faut pas manger ça. Mais c'est moins grave que de mourir sur le shirk. Hein? Quelqu'un, par exemple, il n'est pas musulman, mais yani, il fume la cigarette. Et toi, tu te concentres sur ça. La cigarette, c'est haram, il ne faut pas fumer. Alors que lui, il fait le shirk, ou bien il est athée, il ne croit pas en Allah du tout, il ne croit pas en rien. Toi, tu te concentres sur la cigarette. Ou bien ta mère, elle est yani, mushrika, kafira, mulhida, elle ne croit pas en rien. et elle vit avec un homme, elle n'est pas mariée avec lui. Puis toi, tu te concentres, tu vis avec un homme, tu n'es pas marié, ça c'est l'adultère, ça c'est haram. Oui, c'est haram. Mais qu'est-ce qui est plus grave que son péché de zina? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas croire en Allah et de faire le shirk et de ne pas croire au messager? Hein? Est-ce que ça, ce n'est pas plus grave que de faire le zina puis de vivre avec un homme sans le mariage? Mais les gens, ils pensent pas comme ça. Beaucoup de musulmans, malgré, même parmi ceux qui ont étudié le tawhid et parmi ceux qui ont appris l'islam, ils vont voir ça, ils vont dire « A'udhu billah, astaghfirullah », mais ils ne pensent pas au tawhid et au shirk. Une fois, je parlais avec des frères, justement, on était en train de discuter par rapport à ce qui se passait dans certains pays musulmans, lorsqu'il y a des, par exemple, des ils font des genres de célébrations, ils appellent ça des comme des genres de mawasim. Ils appellent ça en arabe mawasim. C'est lorsqu'ils fêtent l'anniversaire d'un saint ou d'un wali dans une ville. Les gens viennent se réunir dans cet endroit-là. Si par exemple, c'est comme un genre de festival, d'accord? Dans chaque différente région de certains pays musulmans, il y a différents saints qui sont enterrés dans chaque ville. Et à chaque fois que c'est l'anniversaire de la mort ou de la naissance d'un de ces saints-là, eh bien, ils organisent un genre de festival. Donc, il y a le culte des saints qui est organisé, hein, à cette occasion-là, et ils ont organisé en parallèle de ces activités de culte, ils ont organisé en parallèle avec ça des festivités, des jeux, des divertissements, de la musique, hein, parfois même c'est comme une genre de foire. Hein. Il y a des jeux d'attraction, hein, des attractions là. Une grande roue, puis des manèges pour les enfants, hein, de la musique, des animaux, des chevaux. Hein, des courses de chevaux, des trucs comme ça. Et en même temps, il y a des danses, même parfois il y a des spectacles de danse, les femmes qui dansent, les gens qui vont voir ça. Donc il y a le halal, il y a le haram, il y a le shirk, il y a le kofr, hein, il y a le mubah. Tout ça est mélangé. Autour de quoi? Autour de la vénération et du culte offert à des hommes qu'ils prétendent, eux, être des awliya, hein, ou des sayyids. Alors, quand on parlait de ça avec les frères, il y en a un qui me dit, tu sais, même dans ces choses-là, il y a des gens qui vont là-bas, ils font le zina. Hein? Il dit, ah, hey, je suis en train de te dire qu'ils adorent les saints, toi, tu me parles de zina. Hein? Il y en a, qu'est-ce qui est plus grave selon toi, Harry? Hein? Le shirk ou le zina? Si un musulman, il meurt sur le shirk, il va aller en enfer pour l'éternité. Tandis que s'il meurt sur le tawhid, mais s'il a commis le zina, il risque, hein, peut-être d'être en enfer pour un certain temps, mais pas pour l'éternité. Hein? S'il meurt sur le tawhid, même s'il a commis un grand péché, il peut être puni pour un certain temps, mais on sait qu'éventuellement, il ne sera pas en enfer pour l'éternité parce qu'il est mort sur le tawhid. Donc ça, c'est une chose. Et peut-être même Allah peut lui pardonner par sa miséricorde et le faire rentrer directement au paradis, yani, soit par sa miséricorde ou bien parce qu'il a fait d'autres choses qui ont pu expier ce péché-là, ou il a pu avoir, par exemple, des causes qui font qu'il a été pardonné par d'autres, à cause de d'autres choses qui a pu lui arriver ou des choses de ce genre. Comme les ulama ont mentionné des détails de ça et on en a déjà parlé. Donc, de commencer par le tawhid. Tu vois des gens, par exemple, et j'en ai parlé au dernier cours, des groupes comme Jama'atut Tablir, hein, eux, ils concentrent leur da'wah beaucoup sur le bon comportement, l'akhlaq, et ils ont même une façon de se comporter. Et quand les gens voient cette façon de se comporter chez eux, parfois ça les attire même. Hein? Parce qu'ils voient qu'ils agissent avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience, hein? Beaucoup de sagesse, hein? De gentillesse. Et alors les gens voient ça et disent « Oh, regarde le comportement de ces gens-là. Hein? » Ils pensent que ça c'est c'est suffisant et que ça, c'est la base pour la da'wah. Alors que, en réalité, ça, souvent, de la part de ces gens-là, c'est seulement un genre de mascarade. Hein? Tablir, quand ils ont ce comportement-là, c'est juste un moyen de séduction, un moyen d'attirer les gens. Parce que lorsque tu vas rester avec eux, ou bien si tu vois, par exemple, leur vrai comportement, quand ils vont voir que tu n'es pas d'accord avec leurs principes et leur da'wa, tu vas voir comment ils vont se transformer avec toi. Et comment leur bon comportement, yani, c'est juste hein, une couverture qu'ils portent. C'est comme le loup qui se met une peau de mouton. La vérité, il est un loup, ce tabliri. En dessous de sa peau de mouton, là, il y a des dents bien, bien affilées qu'il cache. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer les gens. La réalité, que c'est des gens qui sont des ennemis de la sunna, des ennemis de la da'wa du tawhid, et qui font tout justement pour empêcher les gens d'apprendre leur religion et de revenir aux ulama, et qui les attirent justement vers les bid'ahs et vers les égarements indirectement, parce qu'ils ne font pas une da'wa qui est agressive. La da'wa d'établir, ce n'est pas une da'wa qui est agressive ou offensive. C'est une da'wa subtile. C'est une da'wa indirecte. Et quand ils vont rencontrer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux ou qui n'est pas sur leurs principes, ils ne vont pas l'opposer ouvertement en premier lieu. Ils vont essayer de l'attirer et de laisser de côté ou de mettre de côté les choses hein, qu'ils savent que les gens sont pas d'accord avec eux. Et yani, les amadouer, les attirer par d'autres choses. Donc, c'est des gens comme ça qui opposent la da'wa et ils concentrent sur ça. Et ils ne font pas la da'wa au tawhid. Et ils ne combattent pas le shirk. Et ils ne combattent pas non plus la bid'ah et les innovations. D'accord? Donc, beaucoup de gens se laissent tromper par ça. Et ils ne connaissent pas les réalités de ce groupe. Et de beaucoup d'autres groupes. Il y a d'autres groupes, par exemple, parmi les gens qu'on appelle Al-Ikhwan ou Al-Muslimin, la secte ou le groupe qu'on appelle les frères musulmans, qui est fondé par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, qui est un Égyptien, et cet Égyptien qui a vécu au début du 20e siècle. Et il a fondé ce groupe-là dans les années 1927 ou 1928, à la même période à peu près que Jamaat Tablir. Mohamed Elias Al-Kandahlaoui qui a fondé Jamaat Tablir, et à la même époque à peu près, Hassan Al-Banna qui a fondé le groupe des frères musulmans. Et leur da'wa à eux, c'est une da'wa qui est politique, qui est axée sur l'accès au pouvoir hein, et de vouloir prendre le pouvoir par tous les moyens, comme si c'était ça l'objectif primordial de l'islam. Et par conséquent, ils contredisent la da'wa des prophètes hein, en agissant de cette manière. Parce que les prophètes, leur da'wa, ce n'était pas une da'wa pour obtenir le pouvoir ou arriver au pouvoir, mais c'était fondamentalement le but d'établir la ilaha illallah et d'appeler les hommes à la ilaha illallah pour les sauver de l'enfer. Ça, c'est la priorité. Après, le cheikh, il explique le point numéro 2. Donc, tout ça, on peut le tirer de la base. Le premier point, c'est dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Mu'ad, « فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ » Que la première chose à laquelle tu les appelles soit « La ilaha illallah ». « الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ » في هذا أن أهل الكتاب يحتاجون إلى دعوة والعلماء يحتاجون إلى دعوة إذا كان عندهم انحراف ولا يقال إنهم علماء فهؤلاء أهل كتاب ومع هذا صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى الله إلى أن يدعوا إلى أهم شيء وهو شهادة أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh il explique que deuxièmement, Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu t'en vas vers des gens du livre. Donc, le cheikh, il explique, il dit, même si ce sont des gens qui ont déjà reçu le livre, en principe, s'ils ont reçu le livre, ça veut dire qu'ils ont de la science. En principe, ils ont de la connaissance. Ils devraient connaître le tawhid déjà. Ils devraient connaître le message des prophètes déjà. Ils devraient connaître déjà la religion d'Allah, déjà qu'est-ce que c'est. Hein? Et en principe, s'ils ont déjà ça, ils devraient accepter directement l'islam. Et le cheikh, il dit, malgré ça, ils ont besoin de da'wah. Et même les ulama, les savants, ils ont besoin de da'wah. Les juifs, ils ont besoin de da'wah. Les chrétiens, ils ont besoin de da'wah. Et même parmi les musulmans, s'il y a des ulama qui ont des déviations ou des égarements, ils doivent eux aussi avoir, hein, ils ont eux aussi besoin de da'wah. Et on ne doit pas dire, par exemple, du fait que, c'est des ulama et ils sont des gens du livre, donc ils n'ont pas besoin de da'wah. Non, ils ont eux aussi besoin de da'wah et ils ont besoin qu'on les appelle à la chose la plus importante qui a rapport avec cette da'wah, c'est-à-dire le témoignage de la ilaha illallah. Hein? Il dit, Al-Yahoud wa al-Nasara yaquluna la ilaha illallah bi-al-sinatihim, walakinnahum la yuhakkikunaha bi-a'malihim. فكانوا يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله عزير ابن الله وهم يقولون لا إله إلا الله فليس المراد من شهادة أن لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله مجرد اللفظ والنطق بها بل لا بد من تحقيقها بالاعتقاد والعمل. Donc le cheikh il dit, les juifs et les chrétiens disent la ilaha illallah. Comment ils disent « La ilaha illallah » Si tu leur demandes, hein, combien il y a de dieux pour vous, ils vont dire un seul Dieu. Dieu est unique. Il n'y a pas un chrétien qui va te dire qu'il y a plusieurs dieux. Hein? Et si tu demandes à un juif combien il y a de dieux, il va te dire un seul Dieu, Dieu est unique. Hein? Et ils le disent ça uniquement avec leur langue, mais lorsque tu regardes dans la réalité, dans leurs œuvres, et dans leur croyance, tu constates qu'ils font le shirk avec Allah. Ils associent avec Allah dans leur croyance et dans leur pratique. Et les chrétiens disent que Jésus, c'est le fils d'Allah. Parmi les chrétiens, il y en a qui disent même que Allah, c'est Jésus. Hein? Il y en a même qui disent que Allah, c'est Jésus. Et il y en a qui disent que Uzair, hein, parmi les juifs, il y en a qui disent que Uzair est un fils d'Allah. Et tu vois dans leur livre, plein de prophètes sont appelés fils. Plein de prophètes sont appelés fils. Même les anges sont appelés fils. Hein? Donc, ils disent la ilaha illallah, mais ils font le shirk de différentes façons. Et ils prennent entre eux et Allah toutes sortes d'intermédiaires dans l'adoration. Ils adorent Jésus, ils adorent Marie. Ils prient. Donc, beaucoup de chrétiens, par exemple, tu leur dis, vous êtes des idolâtres. Qu'est-ce que vous faites? C'est du shirk. Ils disent, non, on ne fait pas d'idolâtrie. Hein? Pas d'idolâtrie. On prie, parce que quand on leur dit, oui, mais vous priez à Jésus, ça c'est de l'idolâtrie. Ils ont dit, non, mais Jésus c'est Dieu. Donc c'est pas de l'idolâtrie. On n'adore pas autre que Dieu, on adore Jésus. Jésus c'est Dieu, donc on fait pas d'idolâtrie. Ils réalisent pas en fait que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là, c'est de l'idolâtrie en soi. Parce qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas Jésus. Et Jésus c'est un être humain. Et non seulement ça, mais aussi quand ils prient à des saints ou à des reliques, hein, qu'ils ont. Des reliques, c'est par exemple des restants de personnages qui sont saints ou des restants de choses qu'eux ont considérées comme étant des choses saintes. Par exemple, j'étais en train de lire sur les croisades dernièrement. Et puis, ils avaient une croix. Ils prétendaient que c'était la vraie croix. Ils l'appelaient la vraie croix. Et ils l'amenaient avec eux dans les guerres, dans les combats, dans les croisades. Ils amenaient ça avec eux parce qu'ils croyaient que c'était la vraie croix sur laquelle ils prétendent que Isa a été crucifié sur cette croix-là. En fait, ce n'était pas la croix elle-même, mais un morceau de la croix qui était à l'intérieur. Et ils ont construit par-dessus une autre croix, puis ils l'appelaient la vraie croix. Et subhanallah, alors qu'en réalité, Isa alayhi salam n'a même pas été crucifié. Donc, sur quoi ils se basent? Ils mettent leur foi et leur espoir sur un objet. Allah n'a envoyé à son sujet aucune preuve, aucune vérité. Et plein de choses comme ça qu'ils avaient, qu'ils se basent sur des fois même des ossements ou des restants d'objets. Il y en a qui avaient, par exemple, qui disaient, on a la couronne d'épines de Issa qui avait été soi-disant placée sur sa tête, hein, au moment de la crucifixion. Aussi, il y en a qui disaient que ils avaient le truc là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un genre de le linceul dans lequel, soi-disant, ils l'avaient enveloppé, hein, avant de l'enterrer, de le mettre dans le tombeau. Ils appellent ça, je pense, le linceul de surin ou quelque chose comme ça, en tout cas. Il paraît que dessus, il y a comme une image qui apparaît. C'est comme un genre de visage, puis on voit une forme. Ils disent que ça, c'était l'image de Jésus, la vraie. Hein? Et ils ont fait, soi-disant, des tests scientifiques pour vérifier si c'était vraiment authentique ou vraiment vrai ou quoi que ce soit. Yanni, il n'y a rien de se baser sur des choses aussi futiles que ça. Hein? Ils se basent sur des rêves ou des apparitions. Ils disent, ah, oh, il y a des bergers là qui ont vu à tel endroit l'apparition de la Vierge qui leur a révélé des secrets ou des trucs. Hein. Il y avait trois enfants qui étaient quelque part au Portugal. Ils appellent ça comment ça s'appelle? En fait, même le nom, ils appellent la Vierge de Fatima. La Vierge de Fatima, pourquoi ils l'appellent comme ça? Parce que, non, c'est pas en France, je pense en Portugal, mais c'est que la ville où ils ont eu l'apparition, c'est la ville qui s'appelait Fatima. Fatima, parce que les musulmans ont vécu là-bas. Hein? Ils ont donné aux villes, beaucoup de villes ont des noms musulmans, en fait. Et la Vierge, c'est la Vierge Marie. Mais il l'appelle Fatima parce qu'elle est apparue aux enfants à cet endroit-là qui s'appelait Fatima. Et ils disent que c'était trois bergers ou je ne sais pas quoi, puis elle leur avait révélé des secrets, puis ils sont allés rencontrer le pape, puis ils ont révélé les secrets au pape ou je ne sais pas quoi. Il y a d'autres choses qu'ils ont aussi, comme par exemple à Lourdes. Ils ont un endroit où ils vont faire des pèlerinages dans le sud de la France. Et il y a des milliers comme ça qui vont là-bas. Et eux, ils considèrent que là-bas, si tu y vas, comme il y a des miracles qui se produisent là. Si quelqu'un il va là-bas, il est malade, après il revient, il est guéri ou je ne sais pas quoi. Hein? Puis ils se basent là-dessus pour justifier leur croyance. Comme c'est ça, il dit ça, c'est la preuve que yani, qu'est-ce qu'ils font, c'est vrai. Hein? Et ça, il y en a dans tous les endroits dans le monde, tu trouves des gens qui font des affaires comme ça. Même les hindous, les bouddhistes. Tu vois, en Inde, là, il y a des gourous, ils prétendent qu'ils guérissent, ils font des miracles. Les gens vont là-bas, le gourou, il les touche, et puis après, ils disent, ah, je suis guéri et tout. Donc, si tu demandes aux chrétiens, hein, comment tu expliques l'hindou, là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? On va dire, oh non, ça, c'est le diable qui fait ça. Et si tu demandes à l'hindou, mais comment tu expliques qu'est-ce que le chrétien, il fait? On va dire, ah, oh, ça, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ils vont interpréter ça d'une autre façon. Et la réalité, des fois, c'est ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que ces choses-là se produisent pour eux, pour les égarer encore plus dans leurs fausses croyances. Hein? Donc, tout ce qui arrive dans l'univers, c'est par la permission d'Allah. Et c'est par l'ordre d'Allah. Il n'y a rien qui sort de son ordre. Et le fait que ces choses-là, par exemple, se produisent chez eux, ce n'est pas une justification pour justifier le shirk. Le shirk, c'est interdit, peu importe. Hein? Peu importe qu'il y ait des choses qui soient reliées surnaturelles ou des choses, hein, qui se produisent de ce genre. Et il y a des musulmans qui ont ces mêmes croyances-là. J'ai rencontré un Algérien une fois, j'étais dans une mosquée aux États-Unis, et un vieux monsieur algérien m'a dit, tu sais, hein, ça marche, hein? Quelqu'un, il était malade, il est allé à une tombe d'un wali, et puis il est revenu, il était guéri. Hein? Ça, c'est la preuve que le shirk s'est permis pour lui. Qu'il est allé à la tombe et quelqu'un est guéri. Ça veut dire, ah, c'est halal. C'est halal, le shirk. En se basant sur quoi? En se basant sur ce genre de choses. Et même si c'était vrai qu'il était guéri en allant à cette tombe, supposons. Hein? Parce que souvent, ça, c'est des choses, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a parlé de ça dans son livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim, et il a mentionné que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a fait que, yani, le qadar coïncide avec cette visite et que, par conséquent, il a été guéri. Hein? Ou bien qu'il a demandé à Allah sincèrement et que Allah l'a guéri justement à ce moment-là et que lui, il a attribué ça à la tombe. Hein? Ou des choses de ce genre comme ça. Et, yani, ou bien des fois, c'est parce que la personne, elle était vraiment... Elle a accepté le shirk et le shirk est rentré dans son cœur. Il a été aveuglé et Allah subhanahu wa ta'ala, pour le punir, justement, a fait que cette chose-là se produise pour justement qu'il s'enfonce encore plus dans son égarement, hein, parce qu'il n'a pas accepté la vérité et il s'est aveuglé. Donc, ça, c'est des exemples comme ça qui font que parfois tu vois des gens qui tombent dans ce genre d'égarement, puis ils pensent que ça, c'est des preuves qui justifient l'égarement qu'ils font. Donc, quand je parlais avec un chrétien l'autre jour, il me dit, mais on ne les adore pas, les saints, on les vénère seulement. Il me dit, c'est quoi la différence entre vénérer et adorer? Adorer et vénérer, c'est des jeux de mots, ça. Hein? Si tu dis, par exemple, vénérer, tu dis, ok, d'accord, explique-moi, c'est quoi la différence entre vénérer et adorer? Si tu vois les exemples qu'il mentionne, déjà tu lui dis, qu'est-ce que c'est pour toi l'adoration même, pour comprendre en premier. Explique-moi, c'est quoi l'adoration? Et tu vas voir que sa définition, elle est incorrecte, hein? Ou elle est incomplète. Et quand tu vois qu'il explique la vénération, tu vois qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de différence claire entre les deux. Donc la réalité, c'est qu'il utilise un autre mot pour faire croire que ce n'est pas du shirk. Qu'est-ce qu'il fait? Mais la réalité, ce qu'il fait, c'est du shirk. Et beaucoup de soufis, c'est ça la même chose. Ils disent non, on n'adore pas d'autre que Allah. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ça dans son livre Kashf al-Shubuhat. Hein? Un des points qu'il mentionne, il dit, si tu demandes à ces gens-là, yani, pourquoi vous adorez autre que Allah? Il dit non, on n'adore pas d'autre que Allah. Alors tu lui dis, explique-moi, qu'est-ce que c'est l'adoration? Et tu vas voir qu'il ne sait pas. S'il ne sait pas, explique-lui. Hein? Ou s'il te donne une explication qui est incorrecte, tu lui donnes... Là, tu lui prouves que c'est faux. Parce que l'adoration et sa définition doivent être basées sur les preuves du Coran et de la Sunna. Pas juste sur qu'est-ce que tu as donné comme toi-même, comme invention. Tu as inventé ta propre définition. Puis tu donnes cette définition-là. Où il y en a parmi les gens de Bid'a ou les soufis, ils se limitent uniquement à une définition linguistique du mot dua. Et on sait que dua en arabe, c'est comme, par exemple, les ulama ils disent « as-salat », le sens linguistique du mot « salat », ça veut dire le « du'a », hein, à l'origine. Mais on sait très bien qu'il y a une différence entre « ad-du'a » et « as-salat ». Hein? Dans la « salat », il y a des « du'a ». Et « ad-du'a » lui-même, hein, les ulama ils ont expliqué qu'est-ce que c'est « ad-du'a ». Et il y a même un hadith qui dit « Le dua, c'est l'adoration. C'est pour montrer à quel point le dua est une forme d'adoration tellement importante que c'est presque ça qui est l'adoration elle-même. Hein? Donc, quand tu vois un soufi qui te dit, par exemple, non, le dua, c'est pas une adoration. Quand on invoque autre qu'Allah, c'est pas une adoration. Parce qu'ils disent, le dua, c'est juste un nida. Un nida, c'est-à-dire le fait d'appeler quelqu'un. Ça, c'est pas, il dit, c'est pas une adoration, ça. Alors que un nida et un dua, les deux, c'est la même chose. Et quand tu vois, par exemple, dans le Coran, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des prophètes que qu'ils ont appelé Allah en disant وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ نَادَانَا, c'est-à-dire il nous a appelé. Il nous a appelé dans le sens qu'il nous a invoqué. Hein? Et ils disent, bah, dans ce cas-là, si quelqu'un il appelle une autre personne, par exemple, si toi, par exemple, Abu Bakr, Bachir, si j'appelle Bachir, dis, hey, Bachir, viens ici. Ça veut dire que c'est du shirk. Vous voyez comment il joue? Et il y a une différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est présent et qui est vivant et de lui dire de venir ou de lui demander un service ou de lui demander quelque chose qu'il est capable de faire et le fait de demander à quelqu'un qui est absent ou qui est mort ou de lui demander quelque chose que personne n'est capable de faire excepté Allah et que tu compares les deux comme si les deux c'était la même chose. Hein? Et souvent, c'est les genres de Shubuhat, des gens du shirk et des gens de bid'ah à notre époque. C'est ça qu'ils ramènent comme Shubuhat pour essayer de justifier le shirk. Hein? Ils disent non, il n'y a rien de mal à appeler. Hein? Il y a beaucoup d'autres détails comme ça. Donc il faut connaître le tawhid bien et connaître les Shubuhat des gens du shirk comme il faut et savoir comment leur répondre. Et en particulier ceux d'entre eux qui ont le livre, parce qu'ils ont dévié dans la croyance. Subhanallah. Et comment les innovations se sont introduites dans leur croyance et dans leur pratique et dans leur religion, étape par étape, jusqu'à ce que ça devienne une religion complètement différente de celle que leurs prophètes ont enseignée. C'est extrêmement dangereux. Et c'est comme ça que même dans l'islam, des gens peuvent dévier en inventant des choses dans la religion musulmane qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc le cheikh, il dit, hein, ils disent la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, mais ils le disent avec leur langue et pourtant dans la réalité, ils font le contraire. Donc ils font le shirk avec Isa, ils font le shirk en associant Isa à Allah et en disant qu'il est le fils d'Allah ou qu'il est Allah ou qu'il est une part de d'une trinité qui comprend Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que lui est l'Esprit Saint comme il prétend, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et il dit les trois sont un. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, donc ils disent la ilaha illallah mais ça leur sert à rien. Falaysa al-murad, le but de dire la ilaha illallah, c'est pas juste de prononcer la parole elle-même seulement. Hein? Quand tu dis aux gens, par exemple, regarde, allez dans la rue, par exemple, sortez dehors devant la station de métro, puis arrêtez les gens, puis dites-leur, j'aimerais vous faire répéter une parole. Ils vont dire, ok, quelle parole? Vous dites après moi, la ilaha illallah. Hein? Muhammadun Rasulullah. Puis tu lui expliques pas qu'est-ce que ça veut dire et tu lui traduis même pas la signification. Est-ce que vous pensez que ça c'est suffisant pour qu'il soit musulman? Non. Parce que c'est ça. Le but de cette parole, c'est pas seulement de la prononcer. Hein? C'est de comprendre qu'est-ce que ça implique et de le mettre en pratique. Hein? C'est ça que le cheikh il explique, il dit فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مِنْ شَهَادَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَوْ قَوْلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُجَرَّدُ اللَّفْظِ وَالنُّطْقِ بِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِهَا بِالْأَعْمَالِ بِالْاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ. Il dit le but c'est pas juste de dire la ilaha illallah ou de témoigner de la ilaha illallah, juste de le prononcer avec la langue. Il faut le mettre en pratique et réaliser sa signification dans la croyance et dans l'action. Donc si par exemple quelqu'un, tu lui dis dans la rue, hein, quelqu'un qui n'est pas arabe et qui ne connaît pas rien de la religion musulmane, hein, tu l'arrêtes dans la rue, puis tu lui dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puis il répète après toi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis tu dis ok, puis là il s'en va chez lui, il continue sa vie comme rien n'était. Dans sa croyance, il n'y a rien qui a changé. Dans sa vie, il n'y a rien qui a changé. Il va aller à l'église encore le lendemain. Hein? Il va continuer à prier à Jésus, à Marie et aux saints. Et si c'est un hindou ou un bouddhiste, la même chose, il va continuer à prier à Rama, Vishnu, Lingam, hein, Ganesh, et Yani, Rama, et toutes les autres, Shiva, hein. Et Yani, si c'est un bouddhiste, il va prier à Bouddha ou à d'autres, il va se prosterner devant ça, ou devant les statues de la photo de son grand-père, ou de son père, ou de sa mère, hein, parce qu'eux, ils mettent toujours une image de quelqu'un qui est mort de la famille, ils disent son âme, on prie aux âmes de nos ancêtres, hein. Les Indiens, la même chose, les Amérindiens, ils ont ça aussi, ils prient à leurs esprits, hein. Et des choses de ce genre. Donc, le fait que quelqu'un dise « La ilaha illallah », ce n'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait que quelqu'un entre en islam seulement. C'est sûr que pour rentrer en islam, il faut dire « La ilaha illallah ». Mais pour que quelqu'un soit un vrai musulman, quand il dit « La ilaha illallah », il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il dit. Et les Arabes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam pour qu'ils deviennent musulmans, premièrement, c'était des Arabes qui comprenaient parfaitement la langue arabe. Alors, quand ils entendaient le adhan, ils comprenaient le adhan. Quand ils entendaient la récitation du Coran, ils comprenaient la récitation du Coran. Hein? Les Arabes, mouchriquins, quand ils entendaient le adhan, ça les dérangeait d'entendre ça, parce qu'ils comprenaient qu'est-ce que ça implique. Ça implique que leurs idoles sont fausses et qu'ils doivent cesser de les adorer. Mais si tu dis ça à quelqu'un ici, par exemple, qui ne comprend pas l'arabe, tu lui dis « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah », pour lui, ça ne veut rien dire, ça. C'est comme si tu lui dis une parole en chinois, hein, ou en grec, ou en italien, ou en japonais, ça ne veut rien dire. Hein? Parce qu'il ne comprend pas cette langue-là. Et si tu lui expliques, là c'est autre chose. Hein? Tu expliques à quelqu'un, il y a ni la signification et qu'est-ce que ça implique, là tu vas voir la réaction. Parle avec un chrétien, tu dis, écoute, je vais te dire une parole. Et cette parole, voici qu'est-ce qu'elle signifie. Je te dis, tu dois déclarer avec conviction et avec foi, que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu ne vas adorer que le Créateur. Tu ne vas pas prier, tu vas plus prier à Jésus, plus prier à Marie, plus prier à Vishnu, à Krishna, ou à Rama, ou à Vishnu, hein, ou à Bouddha, ou à n'importe qui, ou à n'importe quoi. Tu vas uniquement adorer le Maître et Créateur de l'univers seulement. Et tu vas croire au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier des prophètes et des messagers envoyés à Allah. Et tu vas cesser de croire aussi que Jésus est Dieu ou fils de Dieu ou une trinité qui est unie avec Dieu ou qui fait un avec Dieu. Tout ça, c'est des choses que tu dois renier. Est-ce que tu acceptes de dire ce témoignage de la ilaha illallah maintenant? Là, tu vas voir s'il va accepter ou non. Mais avant ça, si tu lui dis juste de répéter, la personne, elle va répéter, elle va rien comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Hein? Donc, c'est pour ça. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi, shahadatu an la ilaha illallah, ma'a annahum yakulunaha, walakinahum lam yastaqimu alayha. Wa mithlu ubbad al-qubur al-yawm, yakuluna la ilaha illallah, bi kathra. » ولكنهم يدعون غير الله يعني ويعبدون غير الله فلا تفيدهم لا إله إلا الله فهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويبكون ويقرؤون القرآن فإذا كان عندهم شرك فإن هذه الأعمال لا تنفعهم بل هم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادتي لا إله إلا الله وإلى الدخول في الإسلام من جديد. Donc le cheikh il dit, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors que ce sont des gens qui le disent déjà, mais ils ne sont pas établis sur la vraie signification et sur la droiture de cette parole. Comme les adorateurs des tombes aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, hein, ils disent tous les jours « La ilaha illallah ». Ils disent « La ilaha illallah » dans leur prière, ils disent « La ilaha illallah » dans l'adhan, ils disent « La ilaha illallah » après avoir fait le wudu, ils disent « La ilaha illallah » yani, le matin quand ils sortent de la maison ou quand ils se lèvent le matin ou tous les moments de la journée. Ils répètent des centaines de fois « La ilaha illallah » chaque jour. Et pourtant, quand ils ont un malheur ou un problème ou quand ils ont besoin de quelque chose, au lieu de demander à Allah seul, ils demandent à tel wali ou à tel wali ou à tel saint ou à tel sayyid de les sauver, de les bénir, de les guider, de ci et de ça. Donc le cheikh, il dit, c'est des gens qui jeûnent, c'est des gens qui prient, qui jeûnent, qui font le hajj, qui pleurent, qui récitent le Coran, hein, mais ils ont du shirk. Donc toutes ces actions qu'ils font là ne leur servira à rien. Et ils ont donc besoin eux-mêmes d'être invités à témoigner encore à nouveau de la ilaha illallah, mais avec l'explication. Hein? C'est-à-dire que ils disent déjà la ilaha illallah. Donc le problème avec ces gens-là, c'est pas de leur faire dire la ilaha illallah, ils le disent déjà. Le problème, c'est de leur faire comprendre la ilaha illallah pour qu'ils le disent avec une compréhension qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de comprendre ce qu'ils font qui est en contradiction avec cette parole. Parce que si c'était juste de dire la ilaha illallah, ils le disent déjà. Hein? Les chrétiens aussi, ils le disent déjà. Et les juifs, ils le disent déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils le disent avec compréhension. Et pour savoir que la personne le dit avec compréhension, c'est quand elle le met en pratique, quand elle agit selon ce témoignage. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on dit que le tawhid, il est divisé en catégories. Hein? Tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-rububiyya, c'est le tawhid dans la souveraineté ou la seigneurie. Le fait que c'est Allah seul qui a tout créé, qui a tout... qui contrôle tout, qui donne la vie et qui donne la mort, et qui donne la subsistance à chaque créature, et qui contrôle tout dans l'univers. Et le tawhid de Al-Asma wa Sifat, le tawhid d'Allah, c'est-à-dire dans les noms et dans ses attributs, dans ses noms et dans ses attributs, dans le sens que c'est lui seul qui détient la perfection. C'est lui seul qui a les plus beaux noms. Et il ne partage ses caractéristiques et ses attributs de perfection avec aucune créature. Hein? Et il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui est équivalent à lui. Il n'y a rien qui lui est égal. Hein? Et il n'y a rien de ces créatures qui possèdent de ces caractéristiques divines. Et il n'y a rien des caractéristiques, des créatures qui sont en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a ça, ces deux catégories-là, les ulama, ils le placent dans une catégorie qui est tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. Tawhid al-ma'rifa wal-ithbat. Wal-irada aussi, ils disent. Donc, ça dit le tawhid dans la connaissance et l'affirmation et l'intention. Ça, c'est, si on veut, l'aspect théorique ou l'aspect qui est relié à la croyance dans le tawhid. Puis il y a l'autre catégorie de tawhid qui est reliée à la pratique. Hein? C'est le tawhid de l'adoration. Ça, c'est l'aspect pratique du tawhid. Donc les chrétiens parfois, ou les juifs parfois, ils ont des aspects du tawhid dans la croyance, dans le sens qu'ils croient que Dieu est unique. Même encore dans la croyance, ils ont des erreurs. Parce que certains parmi eux croient que Dieu a un fils, ou ils croient que, par exemple, il y a d'autres qui peuvent savoir le rêve, excepté Allah, ou connaître hein, l'avenir, excepté Allah, comme ils prétendent à propos de Jésus ou à propos de certains prophètes, ou même qu'ils pensent que Jésus a des pouvoirs que Allah possède, alors que c'est des pouvoirs qui sont exclusifs à Allah. Donc ça rentre dans le shirk, dans la rububi, hein. Mais le plus grand shirk qu'ils font, c'est le shirk dans la pratique et dans l'adoration. Hein? Quand ils prient à Jésus, quand ils demandent des choses à d'autres que Allah, à des saints, à des... Hein? Ils mettent leur confiance en Marie ou en des reliques ou en des créatures, des porte-bonheur ou des choses de ce genre. Quand ils partaient à la guerre, ils amenaient ça avec eux. Hein? Ils disaient, ah, on a une relique qui est puissante, qui va nous donner la victoire contre les musulmans. Quand ils partent à la guerre contre les musulmans, ils demandent à la Vierge Marie de les protéger. Yani, subhanallah. Ils ont oublié Allah. Ils ont besoin de demander à une femme qui est morte, qui est enterrée, hein, qui n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Hein? Mais c'est comme ça quand les gens sont dans le shirk. Et le pire, c'est que si tu vois parmi certains musulmans qui, eux aussi, sont tombés dans ces égarements-là, qui demandent la protection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contre les koufars, ou qui demandent la protection des awliya contre les koufars et les mouchriquins. Ça, c'est du shirk. Hein? Mais c'est comme ça quand les gens, ils n'ont pas mis leur confiance en Allah. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, « Hasbunallah wa ni'mal wakil. » Allah nous suffit, c'est lui le meilleur garant. On n'a pas besoin de protection de personne d'autre que Allah. Et il n'y a personne qui va nous donner la victoire excepté Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yani, wa man nasru illa min indillah. La victoire ne viendra que d'Allah. Et dans un verset, il dit, in yansurkum Allah, fala ghaliba lakum. Si Allah vous donne la victoire, wa alaykum salam wa rahmatullah. Si Allah vous donne la victoire, personne n'aura le dessus sur vous. Et si il vous abandonne, il vous délaisse, Allah, qui va vous secourir, hein? Qui va vous secourir et vous donner la victoire en dehors de lui? Personne. Hein? Donc c'est en Allah qu'il faut mettre notre confiance, en personne d'autre que lui. C'est pas en une statue ou une idole ou un wali ou un saint ou un prophète ou un ange ou un djinn ou une créature ou yani, peu importe. Hein? Donc les gens comme ça, c'est ça. Ils réalisent pas le shirk, c'est grave. Ouais, il y a beaucoup d'églises comme ça. En dessous de l'autel, là, quand ils font l'église, comme tu dis, en dessous, là, ils ont enterré des reliques. Hein. Des fois, c'est les restants des ossements d'un wali ou d'un saint. Il y en a, ils considèrent que c'est un... Et j'avais gardé des livres. Parce qu'à l'époque, chaque fois que je tombais sur quelque chose, des livres des gens de Bid'a ou des koufars, je gardais toujours des copies comme ça pour référence. Quand je fais les réfutations, quand je fais les explications, je mentionne toujours des exemples avec ça. Je montre ça aux frères pour leur montrer. Je dis, regardez, c'est pas moi qui le dis là. Vous avez la preuve dans leur propre livre. Voici ce qu'ils disent. J'avais trouvé des livres comme ça parce que des fois... J'avais l'habitude, depuis que j'étais jeune, j'aimais toujours me promener dans les librairies. Et surtout les librairies de livres usagés, des livres deuxième main. Donc j'allais dans ces endroits-là et je me promenais. Puis je regardais, des fois tu tombes sur des livres vraiment rares, hein, que des gens ont abandonnés ou qu'ils ont vendus comme ça. Puis là tu tombes sur ce genre de livres-là des fois. J'en avais trouvé un livre qui était écrit en 1700, un catéchisme ancien là, des chrétiens. de l'an 1700 et quelques, à l'époque où le Québec, c'était encore une colonie française. Hein? Et c'était même, même les lettres là, et la façon dont c'était écrit, c'était encore le français ancien, là. Puis, tu voyais, il y en a des choses qui étaient écrites dedans. Aujourd'hui, comme par exemple, quand ils disent, ah, vous les musulmans, vous ne respectez pas la liberté de croyance parce que vous dites que quand quelqu'un est apostasie, il faut qu'il soit tué. Alors que combien de musulmans ils ont tué hein, en Espagne quand c'était des chrétiens qui étaient convertis à l'islam? Ils les ont tués direct parce qu'ils les ont considérés comme comme des gens qui ont abandonné le christianisme. Ça veut dire qu'il fallait les tuer hein, pour eux. Quand ils ont repris Grenade comme ça, ils ont trouvé beaucoup d'Espagnols qui étaient convertis à l'islam. Ils s'étaient convertis sincèrement. Et ils les ont exécutés, brûlés, hein, brûlés vivants. Donc ça, c'est des exemples. Aujourd'hui, la religion chrétienne, elle a changé parce qu'elle s'adapte à chaque fois avec le temps à des nouvelles, hein, à des nouvelles croyances, des nouvelles pratiques, la société. Quand la société change, la religion change. C'est comme ça, la religion chrétienne. Donc, pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas d'Allah. Elle est établie par les hommes. C'est les hommes qui l'ont, qui la contrôlent et qui la dirigent. Tandis que la religion de l'islam, c'est la religion d'Allah. Les hommes ne peuvent rien changer dedans. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut rien changer dedans, de lui-même. Il fait que juger selon ce que Allah lui a révélé. Il fait que appliquer ce que Allah lui a révélé. Il ne peut rien changer de lui-même. Hein? Et même dans certains versets, les mushrikines, ils lui disaient, change, beddilhu, hein, beddilhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah, beddilhu, change-le. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, il ne m'appartient pas à le changer de mon plein gré. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Hein? Subhanallah. Même le messager d'Allah, il ne peut pas changer la révélation et la religion d'Allah. Il ne peut pas toucher à quoi que ce soit. Il ne fait que suivre la révélation qui lui est révélée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas changer la religion, qui peut changer la religion après lui? Personne. Personne n'a le droit de changer la religion. Alors quand tu vois les gens aujourd'hui qui disent non, mais il faut faire l'ijtihad, il faut changer la religion selon l'époque parce qu'il faut que ça soit applicable et tout. Et quand tu regardes comme il faut, tu vois, l'ijtihad, c'est uniquement permis dans des situations ou dans des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte explicite et de preuve explicite. Ça, c'est dans ces cas-là, on peut faire l'ijtihad. Mais dans des choses sur lesquelles il y a des preuves et la religion est établie, les versets sont clairs, les hadiths sont clairs, toi, tu viens, tu dis qu'il faut faire l'ijtihad. Ça, c'est pas l'ijtihad, ça, c'est la déformation. Hein? C'est la corruption de la religion. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc, le cheikh, il explique ensuite que yani, les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, qui disent la ilaha illallah, ça leur servira à rien. Et ils ont en réalité besoin d'être appelés à la ilaha illallah, c'est-à-dire à la compréhension de ce que signifie la ilaha illallah. Et ils ont besoin d'être appelés à entrer à nouveau dans l'islam. Hein? Et il nous reste encore un peu de temps. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue à expliquer le hadith. Il dit, wa fi hadha al-hadith, man kana fi al-Yaman min al-Yahud wa al-Nasara idh-dhak, qawluhu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Shahadatu an la ilaha illallah, wa kanu yaqulunaha, walakinahum jahilu ma'naha, alladhi dallat alayhi min ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lah. Donc, c'est-à-dire, il répète, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique donc que les gens du Yémen, qui étaient des juifs et des chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et il disait la ilaha illallah déjà, sauf qu'ils avaient ignoré sa réelle signification, qui implique, bien entendu, la purification de l'adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah seul, sans partenaire et sans associé, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, hein, en dehors d'Allah. C'est ça la réelle signification. Je suis convaincu, hein, et je pense que beaucoup d'entre les chrétiens, hein, qui ont combattu l'islam et les musulmans à l'époque, en Espagne ou ailleurs, même en Europe, ils n'ont pas vraiment reçu la vraie signification et le vrai message de qu'est-ce que signifiait l'islam. Parce que sinon, wallahu a'lam, yani c'est sûr qu'il y a des gens qui sont acharnés dans le faux, mais sinon, je suis certain que beaucoup d'entre eux auraient accepté l'islam. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque tu regardes les premières traductions qui ont été faites du Coran, soit en français ou en anglais, et comment ils ont traduit ça, tu vois clairement qu'ils voulaient, hein, déformer le sens réel de ce que Allah a révélé aux messagers. Hein? Et il inventait sur l'islam et sur la religion des musulmans toutes sortes de mensonges pour faire détester à leur population la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne. Hein? Donc il leur disait toutes sortes de mensonges et de faussetés en disant « les musulmans, ils disent ça, et les musulmans, ils croient en ça, et les musulmans, ils font ça ». Alors quand ces gens-là entendent ça, eh bien, automatiquement, ils vont rejeter l'islam, ils vont détester l'islam, parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. On ne leur a pas présenté l'islam dans sa réalité. Hein. Et je me rappelle, même moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école catholique, et le professeur de religion catholique, il disait « ah, les musulmans, pour eux, les chrétiens, l'islam, c'est si tu crois en un Dieu qui s'appelle Allah, mais ce n'est pas le même Dieu que le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ils disent, eux, ils ont un autre Dieu qui s'appelle Allah et ils ont un prophète qui s'appelle Mohammed. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme si c'est un prophète qui est tout seul. Et ils ne croient pas, comme si les musulmans ne croyaient pas à tous les autres messagers aussi, juste en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne croient pas en Jésus aussi. C'est comme ça qu'ils nous expliquaient. Alors, quand quelqu'un t'explique les choses de cette façon, hein, qu'est-ce que tu vas penser? Mais c'est quoi cette religion-là? Hein? Ça peut pas être vrai si c'est comme ça. Mais lorsqu'on apprend la réalité, que les musulmans ils croient en Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah c'est le créateur, c'est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et que tous les messagers qu'Allah a envoyés et qui sont mentionnés dans le livre des juifs et des chrétiens, on croit en ces prophètes-là et en ces messagers-là. Hein? Et que tout leur message, c'était le même, la ilaha illallah. Il n'y a pas un différent message pour chaque prophète. Chaque prophète, il est venu avec la ilaha illallah à la base. Donc, si les chrétiens avaient expliqué ça quand j'étais à l'école, quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas eu cette idée à propos de l'islam. Je n'aurais pas été, repoussé de la religion musulmane. Heureusement, par la suite, j'ai fait mes recherches, j'ai lu et j'ai fait des recherches. Et par la grâce d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait connaître la religion musulmane par la suite. Hein, en lisant et en cherchant, j'ai découvert ces choses-là. Puis Allah m'a guidé à l'islam. Mais quelqu'un, par exemple, quelqu'un d'autre, peut-être, il va être détourné à cause de ses mensonges. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de faire connaître aux gens qui ne sont pas musulmans, de leur faire connaître l'islam. Et vous savez que pour faire connaître aux gens l'islam et pour les convaincre de la véracité de l'islam, ça ne demande pas tellement de rentrer dans plein de petits détails, de débats religieux avec eux. Beaucoup de musulmans, par exemple, ils s'en vont commencer à étudier la Bible, commencer à étudier, lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et lire plein d'autres trucs. Hein? Alors qu'ils ignorent, beaucoup d'entre eux n'ont jamais lu le Coran, ils veulent commencer à étudier la Bible pour essayer de convaincre les Juifs et les chrétiens pour les appeler à l'islam. Alors que l'islam en lui-même, il est tellement puissant que juste de leur expliquer les bases même de la croyance, juste tu leur expliques seulement les 6 piliers de la foi de façon globale, en concentrant l'explication sur le premier pilier qui est la foi en Allah, en leur expliquant la réalité du tawhid, hein, et la réalité de la foi en les prophètes et les livres, hein, et la foi en le jugement dernier et ces principes-là, les anges. Juste vous leur expliquez ça, déjà ça c'est une grande da'wa. Beaucoup d'entre eux, ils ignorent la croyance des musulmans à propos de ces piliers-là. Hein. Et quand tu leur expliques les 5 piliers de l'islam, aussi la même chose. Et le fait de leur dire ça, déjà, ça peut faire en sorte que certains d'entre eux même disent, mais si c'est ça l'islam, dans ce cas-là, oui, moi je suis déjà musulman, j'accepte l'islam dans ce cas-là. Hein? Parce que c'est ça la religion des prophètes. Mais, ici, ils restent avec une mauvaise compréhension de la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam, ou qu'on leur a présenté l'islam d'une autre façon, comme ils font aujourd'hui. Ils disent, les musulmans, c'est des gens, ils pensent qu'à tuer. C'est des terroristes, ils aiment que la violence et le sang, hein? Ils veulent juste exterminer tout le monde. Si c'est ça l'islam, c'est normal que les gens le rejettent. Si c'était ça l'islam, c'est normal que les gens voudraient le rejeter. Personne ne voudrait rentrer dans une religion qui enseigne des choses sauvages, hein? Et la sauvagerie. Hein? Et la religion des prophètes, c'est pas ça. Hein? Que ce soit à partir de Adam, que ce soit à partir de Nuh, que ce soit d'Ibrahim, Moussa, Issa, est-ce qu'ils ont enseigné le terrorisme? Est-ce qu'il y a un prophète qui a enseigné à l'humanité d'être terroriste? Non. Donc, pourquoi ils pensent que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il enseignerait quelque chose différent des autres prophètes? Le message central et fondamental de tous les prophètes, c'est l'islam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enseigné, hein? C'est la base, à la base, c'est la même chose que les autres messagers, que Allah est unique et c'est lui seul qui mérite d'être adoré et d'appeler l'humanité à accepter ça. Hein? Donc, c'est le devoir de chacun d'entre les musulmans qui connaît ces bases de clarifier ça à tous ceux qui ne sont pas musulmans pour justement faire en sorte qu'ils puissent réaliser et connaître la religion de l'islam dans sa réalité. Et une fois qu'ils connaissent ça, la preuve a été établie contre eux. S'ils acceptent l'islam, tant mieux. Hein? Alhamdoulilah. Mais s'ils ne l'acceptent pas, au moins, on a établi la preuve. Au jour de la résurrection, ils n'auront plus d'excuses. Ils ne vont pas dire, mais personne n'avait parlé de l'islam. Personne ne m'avait dit que c'était ça l'islam. Hein? Et comme moi, quand j'étais converti à l'islam au début, je me rappelle, quand j'ai été à la mosquée, les premières fois que j'ai vu des musulmans que j'ai connus avant et que j'avais jamais su que c'était des musulmans. Et quand je les ai vus, j'ai dit, mais toi, t'es musulman. J'ai jamais su, tu m'as jamais dit que t'étais musulman. J'ai jamais su qu'est-ce que c'était l'islam. Tu m'as jamais parlé de ça. Hein? Ils me parlaient de tout. Sauf de l'islam. Hein? Même de toutes sortes de choses, même qui sont contraires à l'islam, il me parlait. Mais il me parlait de l'islam, jamais. Alors, quand je suis devenu musulman, j'étais choqué de le voir. Hein? Et une des raisons pourquoi, c'est parce qu'on vit dans une société qui essaie toujours de rabaisser la religion en général, et en particulier rabaisser l'islam et les musulmans, et de dénigrer la croyance, de dénigrer la foi en Allah et la foi en les messagers, et de croire ou de faire croire que l'humanité a dépassé ce sujet-là, que ce sujet-là, il n'est plus d'actualité. Le sujet de la religion, là, pour ces gens-là, il faut le mettre dans un tiroir, le fermer à clé, puis l'oublier à jamais. Il n'est plus valide à notre époque. C'est passé ça, la religion. Alors que la réalité, c'est le contraire. Jamais les gens ont autant eu besoin de connaître la religion qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'ignorance au sujet de la religion. Les gens en ont encore plus de besoin qu'avant. Donc, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas non plus être peureux. Hein? Il ne faut pas non plus être lâche. Il ne faut pas être complexé non plus de parler de l'islam avec les gens même qui ne veulent pas en entendre parler ou qui n'aiment pas le sujet. Il faut oser. Comme eux, ils osent nous parler des choses qui sont mauvaises. Ils n'ont pas même honte de nous parler des choses qui sont mauvaises et de nous inviter à tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui est contraire à la foi, tout ce qui est qui nous éloigne d'Allah. Ils n'ont aucune gêne, aucune honte de nous inviter à ces choses-là. Nous, de notre côté, on est gênés ou on a honte de les appeler à l'islam et à la vérité. Donc, qui est-ce qui mérite plus d'avoir honte? Qui mérite plus d'avoir honte selon vous? Hein, c'est eux. Aujourd'hui, les koufars, ils appellent à des choses. S'ils étaient réellement conscients de ce qu'ils font, ils devaient cacher leur visage, hein, et creuser un trou pour se cacher dedans, tellement c'est des choses laides. Mais malgré tout, ils n'ont pas honte. Hein? Et nous, hein? Ouais! Tout ce qui est honteux, ils en sont fiers. Et tout ce que nous, on devrait avoir, sentir fier et avoir l'honneur de le présenter, eh bien, tu vois, les gens, ils le montrent à peine. À la limite, même ils le cachent ou même ils baissent la tête, hein, par gêne et par honte. Illa man rahim Allah. Donc, il faut qu'il y ait un changement d'attitude de notre part par rapport à ça. On va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.